Les sauces s'unissent autour d'un cancel par des liens d'acier pour le même objectif. Dans les pires galères, on reste soudés. On serre les coups d'avance, on tous dans la même direction, sur la même longueur d'onde, partageant les mêmes opinions, les mêmes délires, les mêmes scènes, les mêmes studios, les mêmes sons. Le même vaisseau représentant ma production, mon clan. En méditation sur de nouvelles vapes à notre façon. Fasciné par cet art, je vois les choses différemment. L'unisson brûle le fashion, l'alcool, le politico. Pour nettoyer le ghetto, l'appel spirituel, culturel est déclaré parfait. La CIA, Babylone, sur nos devenus. Casser des pierres, mec, qu'ils sachent que devant l'éternel, tout se paye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Chaque jour, on retarde l'attaque du brief. Fume les spiffs, grille les flics. Trop tard pour le traquenard sur les lasses, car au commissariat. Quand on prend les flingues, on sait les roquettes, les fillas. Les renforts arrivent, tu crois que c'est qui risque? Un père de famille ou un jeune délinquant qui vit? Tous positionnés dans un ordre désordonné, mené à faire tourner les sous sans hésiter. C'est la rencontre du troisième type, éco-trip flip, car les chiens poussent dans le trip. Accompagné de créatures de type, histoire d'égayer l'atmosphère, la clique-clique dans le vaisseau, c'est Space Gar. Lacticalement parlant, ça groove à bord, c'est le piège, je plane sans béto, maître du barreau à l'assaut. Toujours à jouer les causes, beau, ça se moque ici, comme Dredd, la Marie Houla. Proto Bleu F représente les chiens fous. Bouya! Opérationnel pour l'ultime assaut. Problème sous le vaisseau, quand je réveille spéciaux. À la bord du mec spatial, on ouvre le chrono. Bouya! Opérationnel pour l'ultime assaut. Problème sous le vaisseau, quand je réveille spéciaux. À la bord du mec spatial, on ouvre le chrono. Le 9 départemental, syndic cosmonaute. J'ébarque sous le vaisseau avec mes hôtes. Que les têtes sautent, que Babylone tombe sous mes farces. Je farcis leurs cartes. Si c'est Paname, c'est pas Mars. Y'a pas Jules Verne. J'garde l'esprit vif dans le bis pendant que Jacques berne. Ma zone je cerne. Faut que Jacques franchit et craque. Quand les sous-sols contre-attaquent, quand les hitties dingues débarquent. Et moi j'arrive de Maslia, good ma just Joey. Solon juste et à nos seul. Tu connais les gens du sens, il y a ennemi. Ça tourne comme les mics en guise de calumet. Je viens en paix, fair play. Il faut qu'on s'allie ennemis à part. Je me présente MOJO pour une orgie chez les aliens. Ne minimise pas l'équipage du faut qu'on s'alien. Lyrical M shit constant, je te fais filer comme un feu volé. Freestyle pas très, je représente rien, ne sert de s'affoler. Puisque t'écoutes, lâche aucune goutte. Pas de doute, qui stora skika des routes coûte que coûte. Répond présent à l'appel du vaisseau, entré par la soute. La terre oxo, nos fréquences, critiques ou fumées d'ambiance. Laisse faire la séance freestylistique sur Bass Club, comme avoir run sur le beat. Un fit le sang, temple volant, volant, secoue le gnangnan. Petit homme vert, viens en paix. Et pour le front, pas de paix, ces chiens faut qu'ils paient. Représente la force G. Erical style, Fonda Kika, Calsac, carte de visite. Secret service, en apesanteur sur orbite. Dernière mission, poser des sticks pour le corps d'élite. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Y'a des vaisseaux qui sont vaisseaux. Les invités du vaisseau viennent vider du vaisseau lumière. Mes faisceaux éclairent mousseau. Les gars de la terre risquent au contact, puisqu'on contacte de haut. Les masses à terre au micro laser. J'ai micro, ça me sert à mordre les chiens du monde. J'aurai les ondes, mon objectif brûler le son. Voir les oreilles qui fondent, j'y fonde les façades des faux. Renégat, des faux frappes à tape, tape. Plus de cam, c'est rock et tire en bombe. Bouya! Opérationnel pour l'ultime assaut. Problème sous le vaisseau, quand je réveille spéciaux. À la bord du mec spatial, on ouvre le chrono. Bouya! Opérationnel pour l'ultime assaut. Problème sous le vaisseau, quand je réveille spéciaux. À la bord du mec spatial, on ouvre le chrono. Dégâts, blanche fou, dégâts. Face à l'assaut, à l'intro, Zéga. Clandé du vaisseau, prédateur, commando du ghetto. Vers sans démo, trop stress, mes nerfs bouent sur le beat. Rentre en orbite, libère des ondes morbides, étranges, méga omic. Ici c'est pas le luxe, pas de comique. Mais un sale sale gosse, trahi, banni. L'aspect d'ennemi, l'aspect d'un sale gosse. Hop pour la rage. J'goûte pas à cette sensation qui s'appelle coke. Mais je smoke à ma putain de black coke, hein. J'te mets au parfum de marijuana. Avec un style de Kai qui braille. Pour les bad boys high we high dans la salle. Habité du faisceau sur le freestyle. J'brouille les ondes du freestyle. Par les ultrasons d'affaires de cristal. Quel est le score? Des bad boys dans le hardcore. Qui smoke les chaînes lorsque la bonne Zion s'évapore. C'est du hardcore, peut-être une mise à mort. Invasion de mutants sur toute la planète. Chaque attaque de ma troupe est mortelle. Criminelle comme un mercenaire rebelle. Chuck Norris lui-même ne pourra prendre aucun risque face à nous-mêmes. Rouge de colère dans tes yeux vénères nerveux. La rage a fait ton vargeux. C'est que tu te fends des films à la Bruce Willis. Je te laisse croire à leur vice. C'est de hardcore, peut-être une mise à mort. Invasion de mutants sur toute la planète. Dynamax, a thousand walk a box shape. 60 million, the way I bring the ghetto. Hardcore, hard rock like heavy metal. ACDC, you know what time it is. Mother, you cannot see me, you're blind. Lyrical style, son, like swine. Never, pork on the fork, produced by New York. The world, the psycho. Lyrical style, stay hyper. The rooftop sniper, cause my style is coming to get you. Hit you, but it you. Because the beats will have you aggravated. You're motivated, sounds like mine will have you constipated. You faded out the box, cause from the boom box, straight from the side box, giving you speed max in the dome. Opérationnel pour l'ultime assaut. Problème sous le vaisseau, grand effet spéciaux. À la bord du mec spatial, on ouvre le jeu. Bouillard. Vité du VAI de Zenso. Opérationnel pour l'ultime assaut. Problème sous le vaisseau, grand effet spéciaux. À la bord du mec spatial, on ouvre le jeu. C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb.